نبدأ. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième ders de ce kitab Al-Ishriniya fi Mabadi Ta'alim al-Islam. Une question: comment est-ce qu'on dit toi tu réponds pas? Toi, tu réponds pas. Et les autres pouvaient répondre si vous avez la réponse. Comment est-ce qu'on dit 20 en arabe? Ahsant. Ashrin. Ashrin, c'est quand il est mansoub ou majrour. Mais bon, on dit Ashrin. Ahsant. Et pourquoi ce livre s'appelle Ishriniya, on va dire la vingtaine? Parce qu'il va détailler 20 choses, 20 hein? Ces choses-là, elles ont un nom. Ouais, ça, je l'ai pas le nom. Si, tu l'as le nom. 20 quoi? 20 quoi dans quoi? C'est 20 quelque chose dans quelque chose. On passe à quelqu'un d'autre? Ouais. Andak, 20 quoi dans quoi? Andak, 20 hadiths dans différents chapitres. Et le chapitre qu'on a commencé, c'est celui de Andak. Tawhid wa al-Aqida. Ahsant. Déjà, on informe que le Ders désormais débute à 20h20. Taillé pour avoir un temps suffisant et également pour que ceux qui sont en mesure d'aller au masjid pour le Maghreb puisse y rendre. Biznillah ta'ala. Donc la première fois, on va dire le premier ders, akhazna al-aya allati zakara Allahu 'azza wa jalla fiha wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, on a pris le hadith de Mu'az ibn Jabal, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à Mu'az le droit d'Allah sur ses serviteurs, le droit des serviteurs sur Allah azza wa jalla. عندك ما هو حق الله على عباده؟ C'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? On adore sans danger lui associer. Naam. Et le droit des serviteurs sur Allah Azza wa Jal? ما حق العباد على الله؟ Qu'il ne les châtie pas. Naam. Si. S'ils répondent aux obligations. Et qu'il lui adore sans rien lui associer. Est-ce qu'on a un droit sur Allah? Est-ce que nous, les humains et les djinns, on a un droit sur Allah Azzawajal? Il nous doit quelque chose? Dans le hadith, il dit « Haqq al-ibad al-Allah », le droit des serviteurs sur Allah. Ça veut dire quoi, ça? Oui? On a un droit sur Allah Azzawajal? Oui ou non? Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Ya ayyuhan nasu antul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyu al-hamid. Oh, vous les hommes, vous êtes les pauvres et en besoin d'Allah, Allah c'est le riche, celui qui se passe de tout. Et en fait, ce droit, c'est un droit que Allah azza wa jal s'est imposé à lui-même. Comme dans le hadith qu'on avait cité, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu interdit entre vous, alors ne vous lésez pas. Donc Allah s'est interdit d'être injuste. Et parmi justement ce droit, c'est le fait que celui qui l'adore sans rien l'associer, eh ben, il mérite de rentrer au Jannah. Enfin, il mérite. Que Allah lui accorde, parce qu'en réalité, ce n'est pas méritant. Vu que toute une vie, c'est limitant ce bas monde, alors que le Jannah, c'est l'éternité. Donc en réalité, tu devrais rentrer au Jannah le nombre de jours où tu as adoré Allah Azawajal Fakot, et après, tu sors. Mais c'est yuqal tafaddulan, c'est une... Allah nous a gratifié de cela. Mais en réalité, nous, on n'a aucun droit sur Allah. Jamais. Taïe. فهذا الذي أخذنا في الحديث الأول. Et aujourd'hui, on va prendre un seul hadith qu'on répète très souvent, mais qui est important, mais qui fait lui-même monter la foi. Et également faute de temps. Et ce hadith nous enseigne le tawakkul et nous enseigne la foi au destin. En mu'min. Donc là, c'est le deuxième hadith de ces Ishriniyat. Yaqul an Ibn Abbas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala lahu ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazi la yahfazka ihfazi la tajiduhu tujahaka wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa 'alam anna al-ummata law ijtama'u wa la an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak wa law ijtama'u wa la an yadurruka bi shay'in لم يضرك إلى بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه أحمد والترمذي. Dans ce hadith, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit qu'il était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Oh jeune garçon. C'est un jeune garçon qui devait être comme lui à peu près, à ce moment-là. Il dit, je vais t'enseigner des paroles. Il a dit, préserve Allah, protège Allah, Allah te protégera. Ça, on va l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Inch'Allah. Protège Allah, tu le trouveras au-devant de toi. Si jamais tu demandes, ne demande que à Allah. Si tu recherches de l'aide, ne la demande qu'auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté venait à se réunir pour t'apporter quelques profits, ne sauront te profiter que ce que dans Allah Azzawajal t'a déjà prédestiné. Et si jamais ils voulaient tous se réunir pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne sauront te nuire qu'en ce que Allah Azzawajal également t'a déjà prédestiné. Et que les plumes ont été levées et que les encres ont séché. Et ce hadith, il est une autre partie, apportée par quel Tirmidhi. Il dit, une autre version du hadith, qui complète celle-ci, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Irfazillah, tajidu amamak, wa ta'arraf ala Allah fi rocha, ya'rifuka fi shidda, wa alama anna ma akhta'aka, lam yakun yusibuka, wa anna ma asabaka, lam yakun yukhti'aka, wa anna an-nasr ma sabr, wa al-furaj ma al-kabr, wa ma usrin yusra. Ma al-yusri usra. Ou al-usri yusra. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une version du hadith, même hadith toujours rapporté par Ibn Abbas, il a dit: protège Allah, selon le sens littéraire, mais le sens chadri, c'est un autre sens. Tu le trouveras devant toi. Et reconnais Allah dans l'aisance. Il te reconnaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être épargné. Et ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Et sache que le secours vient après la patience et que la délivrance vient après l'affliction. Et que la facilité vient après la difficulté. Donc ce hadith t'avertit, mais en même temps te réjouit, te donne une bonne nouvelle. Donc là on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à Ibn Abbas une chose indispensable pour sa religion. Et voyez, il enseignait cela à un enfant. À un enfant. Misrayan, hadha, takriban. Donc déjà, Ibn Abbas, qui il était? Ibn Abbas, c'est Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib. Donc son père, Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est... qui connaît son nom, Ibn Abbas? Comment il s'appelle? Ibn Abbas, c'est fils de un tel. Mais son prénom. Qui connaît le prénom d'Ibn Abbas? Non. C'est l'un des prénoms les plus faciles à connaître. Abdullah. Tout simplement. Abdullah. Qui est le nom préféré d'Allah Azzawajal pour ses serviteurs, avec Abdurrahman. Et son père, c'est Abbas ibn Abdul Muttalib. Ce qui veut dire que Abbas était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas était son cousin. Donc c'était un Quraishi également. Et il était Habr al-Umma, un grand savant de la communauté, car il a commencé très jeune. Il a commencé à apprendre. Il a resté auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. Vous voyez? Comme Ryan. Peut-être même comme ça. Comme lui. Et sa mère, elle s'appelait Fadl Lubaba. Fadl Lubaba. Et elle était la sœur de Maymouna, l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'était la sœur de Maïmouna. Donc Ibn Abbas était le neveu de Maïmouna. D'ailleurs, c'est lui qui était l'intermédiaire lors du mariage de Maïmouna. Où il y a eu un khilaf parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Il était en état de sacralisation amla. C'était lui qui était le messager pour la khidba entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Maïmouna. Car c'était un mahram pour elle. D'accord ? Et il venait passer la nuit chez elle, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dormait chez elle, pour apprendre Qiyam al-Layl. Depuis petit, il venait pour apprendre. Il passait la nuit avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était comme ça ou comme ça, pour apprendre la salade de nuit. Vous voyez l'intérêt qu'il lui a donné. Donc, quand on commence aussi jeune et qu'on continue la vie là-dedans, quel niveau on peut atteindre ? Sans compter que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un dua, comme cela va être cité. Et lui, il est né donc à Mecca avant la hijra de 3 ans. Avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra. Vous voyez, 3 ans avant la hijra. Et il dit qu'il était Wasiman Jamilan Madidan al-Qama. C'était une belle personne, de belle apparence. C'est un bel homme. D'ailleurs, même son frère, Al-Fadl Ibn Abbas, était aussi également un bel homme. Ce Fadl, si on le trouve dans le hadith, qui a fait une divergence dans la mas'ala du est-ce que le visage de la femme, on se le couvre ou pas. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était pendant le Hajj, et une femme est venue l'interroger. Et il a su un khilaf qui apparaissait qu'elle avait un visage découvert. Et qui a regardé Fadl. Et que Fadl l'a regardé, que le Nabi sallam tourne le visage de Fadl pour pas qu'il la regarde. C'était le frère d'Ibn Abbas, qui était un bel homme également. Et en réalité, les ulama ont expliqué que cette femme avait le visage découvert, car la muhrima ne se couvre pas le visage. Elle ne porte pas le niqab. C'était la réponse donnée à ceux qui ont permis de se découvrir le visage par ce hadith, qui est, on va dire, le hadith le plus ambigu dans la question. C'est le plus gros dalil de ce qui permet le visage de se découvrir, c'est ce hadith-là. D'accord ? Mais des ulama ont répondu. Là n'est pas le sujet. Donc c'était un enfant très intelligent, précoce, d'accord, fahim, aqil. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fait un dua, yaqul Allahumma faqihhu fid din. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion. Depuis petit, il a fait un dua pour lui. Et également, alimhu at-ta'wil, apprends-lui le tafsir. Et qu'Ibn Abbas, on va dire, il était l'homme le plus savant dans le tafsir du Coran après. Après qui ? Après Abdullah ibn Mas'ud. Une fois qu'Ibn Mas'ud était mort, Ibn Abbas, c'est lui qui était plus savant. D'accord ? La différence qu'il y a, c'est qu'Ibn Mas'ud a fréquenté le Nabi Salim plus longtemps que lui. Parce qu'Ibn Abbas était petit. D'accord ? Mais Ibn Abbas a vécu plus longtemps qu'Ibn Mas'ud. Donc il a vécu longtemps. Il a appris encore, même après la mort du Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Il a appris beaucoup de hadiths des autres compagnons. Comme ça va être dit ici. يقول كان حريصا على العلم قال إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل وأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أرسلت إلي فأتيك فأقول أنا حق أن أتيك فأسألك وفأسألك donc Ibn Abbas était une personne qui était vraiment assidu à la recherche du ilm. À tel point que lorsqu'il entendait un hadith de quelqu'un, que quelqu'un avait entendu un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait j'allais à sa porte. J'attendais qu'il sorte de chez lui. Je m'installais devant sa porte, j'attendais que cette personne-là sorte de chez lui pour l'interroger sur un hadith qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne lui disait mais quoi, toi tu es le neveu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le cousin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu m'aurais dit je serais venu à toi. Tu m'aurais dit je serais venu pour donner un hadith. Il dit non. Le ilm, on s'y rend, ce n'est pas le même qui vient vers nous. Vous voyez, la chose importante, les personnes qui veulent apprendre, il faut qu'ils fassent l'effort de se déplacer, de mettre de leur temps. Vous savez, le ilm, c'est pas comme... Il n'y a pas Uber Eats pour le ilm. Il n'y a pas t'appelles, tu fais une commande, on te ramène chez toi. Ça ne marche pas comme ça. Les gens qui sont devenus les plus grands gens de science ont voyagé, sont déplacés. Pour des fois, un hadith. Si vous voyez la carte d'El-Bukhari, tout ce qu'il a fait comme parcours sur ses jambes, ou à chameau, il a fait presque le tiers du tour du monde. Pour un hadith là-bas, pour un hadith là-bas, pour un hadith là-bas. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent tout. Ça vient comme ça, ça rentre. Ils ne donnent pas l'effort, ne font pas l'effort de se déplacer, de donner un temps, et même dépenser de l'argent pour cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est très, très... on est en situation régressive. On a moins de motivation. On a moins de, d'ambition ni dans le ilm. Donc en réalité, celui qui veut vraiment apprendre et avancer, il faut qu'il s'investisse. Il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il soit à l'affût. Autant que possible. Donc Ibn Abbas faisait cela. D'accord ? Voilà pourquoi par la suite, il est devenu un très très grand savant. Et une référence incontournable dans le tafsir du Coran. Et il est mort, Ibn Abbas, en l'an 68 de la Hijra. Donc ça veut dire qu'il a vécu combien de temps ? Il est né 3 ans avant la Hijra, et il est mort 68 ans après la Hijra. Combien de temps, hein ? 71 ans. Donc il a vécu longtemps. D'accord ? Il a commencé à apprendre le ilm, il n'y avait même pas 10 ans. Il a vécu jusqu'à 71 ans. Vous voyez, toutes ces années, c'était que Talab al-Ilm qu'il a fait. Apprendre, apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Donc imaginez-vous le niveau qu'il a atteint. Et il n'a pas appris auprès de je ne sais qui, il a appris auprès des Sahaba, des compagnons, entre autres. Donc il est mort en l'an 68 à Taif. Taif, c'est à peu près une heure de Mecca, d'Akriman. Donc regardez dans ce hadith, le Nabi Salam a enseigné à ce jeune garçon. Il a dit « Ya Roulem ». En arabe, Roulem, à la base, c'est un jeune garçon. Normalement, c'est une personne qui est un pubère. Après, le mot Roulem peut être employé pour quelqu'un de plus grand, mais là, à la base, c'est ça. Roulem, c'est un jeune garçon comme Ryan ou comme... Hein ? Sami ? Hayakallah et Sami. Il lui a appris ce hadith. Donc lorsqu'il a dit « Irfaz zillah irfazka »« Protège Allah, Allah te protégera », il dit « Irfaz awamir Allah bil-imtithal wa nawahiyahu bil-ijtinab wa hududahu bil-wukuf indaha yirfazuka fi dinik min al-shahawat wa al-shubuhat al-mudilla wa yitawaffaka ala al-iman wa yirfazaka fi nafsika wa ahlika wa malik » Donc protège Allah, c'est-à-dire protège ses ordres. Et quand tu as un ordre, tu l'observes et tu l'appliques. Observe ses interdits. Protège ses interdits. Quand Allah interdit quelque chose, tu le délaisses. Protège ses limites. C'est-à-dire quand il y a une limite en religion, tu ne la dépasses pas. D'accord ? Tu ne la dépasses pas, tu t'y arrêtes. Et si jamais tu fais cela, il dit « Allah yahfazouk » Allah va te protéger dans ta religion. Dans ta religion, c'est ça le plus important. C'est vraiment ta vie en soi. Parce que beaucoup de gens se sont investis dans la religion, ils ont été tués, ils ont été blessés, ils ont été pris en ennemi. Comme vous le savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été attaqué. D'accord ? Et le fait que tu sois attaqué ne veut pas dire que Allah est abandonné. Pas du tout. C'est peut-être même une marque d'amour, car Allah, dans un hadith, est venu « Izaya haballahu kouman ibtalahum » Lorsque Allah il aime un peuple, il l'éprouve. Il n'y a pas une personne qui n'appelle à la religion sans qu'elle soit prise en ennemi. Ça, c'est inévitable. Si tu vois que tu appelles à la religion, que tout le monde t'aime, c'est que ton appel, il est douteux. Il est douteux. C'est pas normal qu'on t'aime, toi. Donc, le muhim, Allah te protège dans ta religion, c'est-à-dire il te rend ferme, clairvoyant. Il te protège des shahawat. Les shahawat, c'est tout ce qui est plaisir, envie, les choses qu'on aime qui nous amènent à désobéir. Il te protège des shubuhat. Shubuhat, c'est les choses ambiguës en religion qui t'amènent, qui te font t'égarer, en fait. Des choses dans la religion que tu ne comprends pas, d'accord ? Qui t'amènent à innover, qui t'amènent à déformer, qui t'amènent à changer et qui te font dévier. Donc toi, en obéissant à Allah Azzawajal, tu as une garantie de quoi ? De protection religieuse et d'avoir une compréhension saine de la religion. Et il te fera mourir sur la foi également. Tu mourras sur la foi. Il te protégera également dans ta personne, il te protégera dans tes proches et il te protégera dans tes biens. Donc, elle est où la marque de protection dans la vie ? C'est l'islam. Ce n'est pas les assurances, ce n'est pas les mutuelles, ce n'est pas la sécu, d'accord ? Ce n'est pas la retraite qu'on met de côté, ce n'est pas toutes ces choses-là, c'est ton dîn. Ta protection, c'est ta religion. Car celui qui t'a ordonné cette religion-là, c'est Allah Azzawajal. C'est lui qui t'a créé. Dans le hadith, ça va venir. Si tout le monde veut se réunir pour te faire du mal, ils ne pourront rien te faire si Allah ne veut pas. Donc tu pourras prendre toutes les protections, ce que tu veux. D'accord ? Et si Allah veut qu'une chose t'arrive, un microbe peut t'atteindre alors que tu ouvres, je ne sais pas moi, dans un sous-marin, je ne sais pas combien de temps, sous la mer, tu meurs. Tu as voulu te cacher je ne sais où ? Non, tu t'échappes pas à Allah Azzawajal. Où que tu sois, il te rattrape. Et il t'envoie ce qu'il veut comme cause pour t'atteindre. On met à la moujuru et junud rabbika illahu. Que nul ne connaît les troupes de ton Seigneur à part lui-même. Allah peut t'envoyer n'importe quoi pour te faire subir ce qu'il veut. Même une chose que tu ne vois pas. Tout comme ça peut être une armée, tout comme ça peut être... Toute sa création est à son service. D'accord ? Et c'est ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ce jeune garçon. Lui apprendre à ne pas avoir peur des hommes, mais d'avoir peur d'Allah azawajal, et en même temps lui faire confiance. Donc si tu agis de la sorte, tu trouveras Allah devant toi. Ça veut dire quoi devant toi ? En fait, t'agis d'Allah ma'aka fi kulli l'ahwal wa shada'id haythu tawajjahta. Ça veut dire que tu trouveras Allah qui sera ton soutien en toute situation et dans la difficulté. Dans l'autre version du hadith, on avait expliqué quoi ? Qu'il a dit « Ta'arafa Allah fi rocha y'alifuqa fi shidda » que reconnais Allah quand tout va bien, Allah te reconnaîtra quand ça ira pas. Parce que tu as des gens, quand ça va bien, ils oublient Allah azawajal. Vous savez, quand les gens ils sont bien, la santé, il y a l'argent, voilà, tout va bien, on n'invoque pas, dans l'adoration, on est négligent, ainsi de suite. C'est quand il y a des problèmes que là, on se rappelle d'Allah azawajal. Et là, on invoque, là, on demande. Et bien là, on te demande de te préparer à l'avance. Avant que ça t'arrive, dès maintenant, fais que ta relation avec ton Seigneur, elle soit bonne. Même quand ça va bien. Tu fais ça, quand ça ira mal, Allah va se rappeler. Et quand on dit va se rappeler, c'est pas un attribut dans le sens où Allah oublie ou quoi, jamais de la vie. Dans le sens que tu vas voir le fruit de ce que tu as fait dans l'aisance, tu le retrouves dans la difficulté. Hada wal ma'ana. Donc il dit, Allah te protégera, te secourra, te préservera et t'accordera de pouvoir agir dans le bien, comme il se doit. Yaqulu wa sa'alta fas'alillah. Si jamais tu demandes à Allah azawajal. Là, on parle du dua. D'accord ? Le dua. Dua al-mas'ala, c'est le fait de faire une demande. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-dua wa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Ça veut dire que toute, à base, toute adoration que tu fais, c'est l'invocation, même si tu ne demandes pas. Quand tu fais salat, t'attends quoi de la salat ? T'attends quoi de la salat ? Un mec d'exauce. D'exauce quoi ? Des non, mais principalement. Cette salat, elle t'apporte quoi ? T'attends quoi de la salat ? T'attends quoi de ta zakat ? T'attends quoi de ton hajj ? T'attends quoi de ton tawhid ? T'attends quoi de... Sa rahma. Donc c'est une demande. Tu demandes son jannah. Tu veux rentrer au paradis. Tu demandes son agrément. Tu demandes son pardon. Même sans que tu le prononces, t'attends cela. Donc chaque adoration est une demande, en soi. D'accord ? Une demande d'agrément et une protection de sa colère. Donc c'est une demande. D'accord ? Ça, on appelle ça dua al-ibada. Ça veut dire que c'est la vocation de l'adoration. Toute adoration est une demande indirecte. Et tu as dua al-masala, c'est la dua de la demande. Quand tu lèves tes mains, tu demandes directement. Ya Rabbi. Allahumma artini kaza warzukni warfazni. Et bien cette demande-là, là, qui est voulue, là, tu ne l'as fait qu'avec Allah Azawajal. Car invoquer autre que lui, l'invocation c'est l'adoration. L'adoration n'est que pour lui. On avait pris dans le dernier ders que c'est ça le shirk. Le shirk c'est de donner à autre que Allah ce qui revient à Allah. Donc quand tu invoques autre que Allah, tu as fait du shirk. Maintenant, peut-on demander quelque chose à quelqu'un ? Oui. Mais à quel moment ? S'il est présent et qu'il est capable. D'accord ? Par exemple, je te dis, comme j'ai demandé tout à l'heure, prends-moi une bouteille d'eau. J'ai fait du shirk ? Non. J'ai pas de monnaie. Le frère l'a proposé, j'ai dit, prends une bouteille d'eau, barakallahu fik. Ça y est ? Maintenant, tu vas demander... Bah, on en parlait la dernière fois, tu vas demander à un mort. Demande une bouteille d'eau. Abreuve ma soif, il est mort, il t'entend ? T'entends pas. Il peut te donner quelque chose ? Il peut pas te donner. Donc à ce moment-là, ton invocation, t'as demandé une chose, dans cette situation-là, qu'il ne peut pas faire. D'accord ? Ou alors tu vas demander une chose, à un vivant, qu'un vivant ne peut pas faire non plus. Tu vas aller voir le docteur, maintenant tu vas dire, docteur, je suis, je sais pas, je suis stérile, donne-moi les moyens d'avoir un enfant. Il dit, je peux rien faire pour toi, ton cas est désespéré. Et là, la personne commence à demander au docteur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le docteur dit, je ne peux rien faire pour toi. T'es stérile, c'est comme ça que t'es, je ne peux rien faire pour toi. Il espère le docteur qu'il lui donne un enfant. Cet enfant, qu'est-ce qu'il peut le donner? Dans son cas, à lui. Les causes kauniya, les causes universelles, il ne peut pas les avoir. Il est stérile, ça, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, vers qui doit se tourner pour avoir, justement, pour avoir le remède de ce mal incurable selon les médecins? Qui peut le guérir? Et là, il va demander au docteur. Parce que le docteur lui-même, il est stérile. Ah, tu vas pas loin comme ça. Et tu le vois mettre tous les espoirs dans le docteur. Et si le docteur ne le donne pas, il se met en colère. T'es un incapable, t'es je ne sais quoi. Le docteur dit, moi, je ne peux rien faire pour toi, ton cas, il est incurable. Donc là, il a mis un espoir, il a fait une demande que seul Allah peut lui accorder. Il a fait quoi à ce moment-là? Il a fait du shirk. Sache une chose, même s'il n'avait pas parlé sans demander au docteur, mais dans son cœur, il espère que le docteur lui fasse, c'est du shirk. Il dit, j'ai rien demandé. Dans ton cœur, tu veux que le docteur fasse une chose qu'il ne peut pas faire. Et c'est un exemple docteur, hein, ça peut être dans plein de choses. Hein. D'accord? Donc là, c'est demander à Allah. D'accord? Il n'est pas permis de demander à autre que Allah ce que seul Allah peut t'accorder. Maintenant, les gens peuvent être une cause dans les limites de leur capacité. Mais de base, avant de demander à quelqu'un, demande à Allah, de toute façon. Même dans ce qu'une créature peut faire, en premier lieu, demande à Allah. Et Allah, Azawajal, par ta demande, va t'accorder les causes, te permettre d'avoir ce que tu demandes par le biais d'un tel ou de telle et telle chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu es dans un endroit où tu t'es perdu, en route, et tu ne sais pas où tu vas aller. Tu n'as rien. D'accord? Tu es avec ta voiture, tu tombes en panne dans une route, je ne sais où, dans une forêt, tu n'as rien du tout. Et tu ne peux plus rouler. Tu ne sais pas où est-ce que tu es. Tu vas faire quoi en premier? Tu demandes à Allah Zawajal qui te secourt de là où tu es. Et ensuite, tu vas faire des causes pour trouver des gens. Et tu espères par cette demande que Allah t'envoie des gens. Car tu sais que tout seul, tu ne pourras rien faire. D'accord? Tu dis, Ya Rabbi, que quelqu'un entende, que quelqu'un passe par là, qu'il y a quelque chose qui se passe parce que je peux mourir de faim là où je suis. Même de froid, c'est une nuit dans l'hiver, il y a, vous savez, dans certaines forêts, il fait moins je ne sais pas combien. Voilà. Donc tu espères que Allah Zawajal te réponde. Et comment il va te répondre Allah Zawajal? Tu espères qu'il t'envoie quelqu'un. Une cause de secours. Par le biais d'une créature. Alors avant de crier, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu demandes à Allah Azawajal, et après tu cries, tu fais quelque chose pour te faire remarquer. Mais ton premier espoir, il est sur qui? Il est vers qui en premier? Hein? Vers Allah en premier. Donc ta demande, tu l'as fait à Allah. Dans tous les domaines. Tu veux un enfant. Même tu es quelqu'un en bonne santé, tu n'es pas stérile ni rien, tu demandes à Allah Azawajal. Déjà, pour te marier, tu as demandé à qui? Allah. Il fallait un mahar. Il fallait trouver la femme adéquate, il fallait trouver le wali, toutes les conditions, tu as demandé à qui? Tu as demandé à Allah Azawajal. Et après, tu as fait des recherches autour de toi, que les frères, s'ils connaissent quelqu'un, ainsi de suite. Tu t'es marié. Maintenant que tu es marié, tu veux espérer avoir des enfants. D'accord? Avant même de faire la cause physique pour avoir l'enfant, tu as demandé à Rabbi qui te razak un enfant droit, salih. Et après, tu as fait les causes qui sont apportées. Et ainsi de suite. Donc, la première demande, et même certaines demandes, on ne le fait qu'auprès d'Allah Azzawajal. C'est tout. Et il a dit, وَزْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ billah. Si jamais tu cherches de l'aide, un soutien, en premier lieu, tu demandes à Allah. Dans le Fatiha, on le dit, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. D'accord? Ce n'est que toi que nous adorons, et ce n'est qu'auprès de toi que nous recherchons de l'aide. هَذَا وَالْسْتِعَانَ. Tu recherches de l'aide auprès d'Allah en premier, tout comme il t'est permis de rechercher de l'aide auprès d'une créature. C'est le même tafsir que dans le dua. D'accord? Tu peux demander de l'aide à quelqu'un qui t'aide. Tu as une difficulté, tu connais un frère, il est en mesure de t'aider, tu peux lui demander. Mais avant cela, tu demandes à qui? Allah Azawajal. Car ce frère qui a cette capacité, il peut refuser. Ou peut, au moment où tu as besoin de lui, il ne peut pas, il n'est pas là, il est malade. Il n'a pas la coudra, tu vois. Donc ne repose pas sur la créature. Tu te reposes sur ton Seigneur en premier lieu. Yaqul wa'alam anna al-umma. Et sache que c'est la communauté. Et là, il veut quoi par la communauté? Il ne veut pas les musulmans. Il parle de tout le monde. C'est-à-dire que même si toute la terre, tous les hommes et tous les djinns disent on va t'aider, ils ne pourront rien faire pour toi que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Tous. Et le contraire, s'ils te disent tous, on va te faire du mal, tous les hommes se réunissent pour te faire du mal. Et les djinns disent, on va te faire du mal, ils ne pourront rien te faire. Qu'est-ce qu'Allah aura déjà écrit? C'est-à-dire que si Allah veut qu'ils te touchent, ils vont te toucher. Et s'il ne veut pas, ils pourront tous se réunir, ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien te faire. Et si tu veux quelque chose et tous veulent en privé, et qu'Allah veut que tu l'aies, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Pourquoi? Car tout le revient à lui. Le décret le revient à lui. Donc on t'apprend quoi dans ce hadith? Le Nabi Sam a appris à ce jeune garçon de se remettre à Allah, de faire confiance à Allah, et de croire au destin également. Que ce qui va t'arriver, va t'arriver. Et ce dont tu veux t'épargner, ne t'arrivera pas. Donc fais ce que tu as à faire. Hada wa tawakkul. Tawakkul, tu fais les causes universelles à ta portée, d'accord? Et t'avances. D'accord? T'avances. Tu fais ce que tu as à faire. Et les causes ne sont qu'une cause. Et ta confiance sur la place Allah Azawajal qui va t'accorder ce que tu demandes. Et là, c'est là qu'il dit « Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf » que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Il s'agit des plumes qui ont écrit tout ce qui devait être. D'accord ? Les stylos qui ont écrit, ouais, des stylos, je veux dire les plumes, parce que bon, voilà, qui ont écrit tout ce que tu vas faire. Dans un hadith d'Ibn Mas'ud, qui est très connu, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que chacun d'entre vous, sa procréation a lieu dans le ventre de sa mère, le fœtus. Au début, les 40 jours, il est une goutte. Après, au bout de 40 jours après, il est une adhérence. Et 40 jours après, il est un bout de chair. Et là, après, Allah Azawajal, yursil al-malak, il envoie un ange. Fayen farufihi aruh, et que cet ange, à ce moment-là, c'est au bout de 4 mois, dans le ventre de la mère, l'ange, il insuffle le souffle de vie. Là, tu deviens un être humain. Avant ça, tu étais un bout de chair. Puis, cet ange, il lui a ordonné d'écrire 4 choses. Rizqihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa sa'id wa shaqi. Que là, maintenant, cet ange, au bout de 4 mois, dans le ventre de ta mère, il écrit 4 choses. Et il écrit ton temps de vie. Combien de temps tu vas vivre? 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est écrit. Tu ne feras pas une seconde de plus. Ça, la dernière fois, on disait quoi? Parce que quand il meurt, on dit qu'il est mort trop tôt. Cette phrase, elle ne sert à rien du tout. Tu ne meurs pas trop tôt, tu meurs quand il a décidé que tu meurs. Et c'est que tu devais mourir à ce moment-là. Et c'était une hikmah d'Allah Azzawajal. D'accord? Donc cet ange, au moment où tu es dans le ventre de ta mère, il est écrit ton temps de vie. Tu ne pourras pas le réduire ni l'ajouter. Il est écrit toute ta subsistance, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas posséder. Et vous voyez, nous on se bat, on fait, par exemple, dans le hadith au début, il dit bien, Yarfazela, Yarfazka. Protège Allah, il te protégera. C'est quoi protéger? C'est accomplir les ordres et éviter les interdits. Et aujourd'hui, la chose pour laquelle les gens font le plus de péché, c'est pourquoi? Leur risque pour avoir leur nourriture, leur subsistance. Alors que c'est décrit dans le ventre de ta mère. Donc pourquoi tu vas désobéir Allah pour ça? On ne te dit pas tu fais rien, tu fais les causes. Mais tu fais les bonnes causes. Tu vois, les gens disent, ouais, mais si tu ne fais pas ça, je n'aurai pas à manger. Je ne t'inquiète pas, tu auras à manger. Obéis à Allah, Zawajal. Tu auras à manger. Et même si tu n'as pas à manger, c'est quand même avec Qadr, tu allais mourir de faim. Même si tu fais tout le haram de la terre, tu mourras de faim. Tu peux te poser, tu vas trouver un milliardaire. Il a fait je ne sais quelle bêtise pour avoir son argent. D'accord? C'est devenu un milliardaire. À l'exemple, il part en croisière. Naufrage. Ton bateau, il coule. Il est parmi les seuls survivants sur un radeau, par exemple. Il va manger quoi? Il va manger les autres qui sont avec lui au bout d'un moment. Il veut qu'il mange tout le monde, il va rester quoi? Il dit, regarde, t'es milliardaire, t'as fait je ne sais quelle monstruosité sur Terre, et maintenant t'es milliardaire, tu vas mourir de faim. Ton argent t'a servi à quoi? Même si c'est ton argent qui t'a emmené là. Ta croisière luxueuse, ce super bateau, qui t'a emmené là? C'est ton argent? Et bien là, il t'a montré qu'avec ton argent, tu ne vaux rien. Là, tu es là au milieu de la terre, au milieu de sur un bout de bateau, ou sur un canot de sauvetage, au milieu de l'océan Atlantique. D'accord? Tu n'as rien à manger. Tu meurs de faim. Et tu es milliardaire. Sur ton compte, il y a des milliards et des milliards. Tu vois? Et tu es mort de faim. Vous voyez? Pour vous dire qu'en fait, la hawla ou la quwata illa billah. Donc en réalité, ce hadith t'apprend à faire quoi? Fais ce que tu as à faire. La promesse, c'est la garantie. C'est quoi la promesse? Que Allah te protégera. Mais si t'arrives quelque chose, c'est que ça veut t'arriver. C'est que ça veut t'arriver. Donc en réalité, on apprend à quoi ? Que désobéir, ça ne sert à rien, à part nous faire du mal à nous-mêmes. On ne gagne rien à désobéir. On ne gagne rien. C'est une illusion. Donc là, on voit que tout est écrit et que rien ne saura changer. Mais toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. D'accord ? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, tu fais quoi à ce moment-là ? Allah Azzawajal t'a montré la vérité et il y a le faux. Toi, tu dis, est-ce que je vais mourir sur le bien ou sur le mal ? Tu ne sais pas. Mais tu sais que le bien est là, le mal est là. Qu'est-ce que tu fais, c'est intelligent ? Tu fais quoi, c'est intelligent ? Eh oui, tu vas faire le bien. Tu dis, je ne sais pas c'est quoi ma fin, mais je sais que ça, c'est le bon, ça, c'est le mauvais. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire les causes pour avoir une bonne fin, donc je vais aller vers le bien, tout simplement. Donc, il ne faut pas prendre le destin comme argument pour dire, ouais, j'ai rien à faire, là, il y a écrit, je vais aller en enfer, donc... Vas-y, je vais poursuivre ma vie, je vais faire tout le mal que je peux, parce que de toute façon, je vais aller en enfer. Mais tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Où est-ce que tu vas finir ? Mais tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon. Donc hâte de le faire et fais le bien. Wakada. Et après, c'est pas ça ce qui se passera. Donc regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris cela à qui ? À un jeune garçon comme ça et comme ça. Et ça, c'est valable pour un enseignement pour toute notre vie. Aujourd'hui, tu as des gens, ils ont 70 ans, 80 ans, ils n'ont rien compris de ça. Un enfant l'avait compris à l'époque. Et nous l'a rapporté, ce qu'aujourd'hui, ce hadith, on le rapporte, on le répète, parce que Ibn Abbas l'a mémorisé, et c'est sûr qu'il l'a appliqué, et il l'a répété. Et aujourd'hui, 1446 ans après, on en parle entre nous. Et il viendra encore par la suite. Un enfant qui l'a appris le hadith. C'est un enfant. Vous voyez ? Et aujourd'hui, ce hadith, cet enfant a compris du premier coup. Eh bien, nous, il nous faut des livres, des livres, des livres pour le comprendre. D'où le doa du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a dit Ibn Abbas, Allahumma faqihu fi din, oh Allah, fais-lui comprendre la religion. Donc, il se hadith, il n'y a pas besoin d'explication. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ulam, inni u'alimaka kalimat, oh jeune garçon, je vais apprendre quelques paroles. Quelques paroles. Là, c'est combien de temps qu'on parle, nous, ça fait 40 minutes, une demi-heure. Et on n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire. On a dit un petit peu. Ibn Abbas, il a pris ça, il a tout compris. Il a tout compris directement. Vous voyez ? Donc, هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث, c'est le deuxième hadith de ces Ishriniyat dans le bab du Tawhid et de l'Aqidah. Et là, ça touche le Tawakkul, qui est un acte du cœur. D'accord ? Et le Tawakkul, c'est une adoration que l'on fait et qui ne se fait que Tawakkul, on ne place que en Allah, pas autre que lui. Et également la foi au destin, qui fait partie de la Aqidah, des choses qui sont liées à l'invisible. Non. Fait un acte affibia del cadre et on dit, Inch'Allah, Mou'id, rendez-vous dimanche. Bismillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.